Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur Isanganiro. Bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Six bandits ont été attrapés le soir de ce samedi en flagrant délit dans la centrale d'achat de médicaments du Burundi Kamibu. Le directeur de cette centrale précise qu'aucun médicament n'est sorti de la centrale et ajoute que parmi ces bandits figurait un sentinelle, alors que la police précise que deux sont des agents policiers. L'église de Pentecôte de Bukey en commune Nyanzala, que nous sommes au sud du pays de la province de Makamba, est provisoirement fermée depuis ce dimanche. Cette mesure a été prise par l'administrateur de cette commune après l'éclatement de l'insurrection en pleine messe de ce dimanche. Et le parti Savoie Flodé vous trouve que le partage du pouvoir ou un gouvernement de transition ne peut pas servir pour dénouer la crise qui traverse le pays plutôt que le respect de l'accord d'Arusha et la constitution. Ces propos de Léonce Nguenda Koumana, vice-président de ce parti, tombent après les hypothèses qui ont été émises par le président d'une commission de l'Union africaine. Dans ce journal, vous entendrez également la réaction de la présidence du Burundi. Bienvenue à ce journal mis à l'onde de par Aimé Toussaint. Mettez-vous à la présentation, vous êtes avec Placide Niamongere. Isanganiro, la radio de l'avenir. Ouvrons ce journal par page sécurité. Encore d'un homme d'une cinquantaine d'années a été repêché ce dimanche dans les eaux de la rivière Ruvironza sur la colline Gweza de la province Gitega. Selon la police de la protection civile à Gitega, la victime a été tuée à la machette car elle présente des blessures au niveau du cou et du pied et ce crime aurait été commis dans la nuit de vendredi à samedi. Le corps a été conduit à la morgue de l'hôpital régional de Gitega et sera inhumé ultérieurement. Cinq bandits ont été arrêtés ce samedi soir à 20h en train de voler à la centrale d'achat de médicaments du Burundi Kamibu. Sefu Sabushimi, qui est directeur général de cette centrale, fait savoir que parmi les cinq bandits figure un sentinelle de la Kamibu. Il ajoutait qu'aucun médicament n'est sorti et que cela résultait d'une bonne collaboration avec les services de renseignement. Suivez-le. Effectivement, depuis vendredi soir, nous avons eu des informations qui nous disaient qu'il y aura cambriolage de la Kamibu. Nous avons travaillé en synergie avec le commissariat municipal, avec le service national de renseignement. Et nous avons pu appréhender les malfaiteurs avant qu'ils ne commettent leur forfait. Tous les médicaments qu'ils ont tenté de voler se trouvent toujours à l'intérieur de la Kamibu. Avez-vous identifié ces gens qui avaient la mauvaise intention de voler? Il y a cinq personnes qui ont été appréhendées, mais parmi eux, nous reconnaissons deux qui assuraient la garde de la Kamibu, les veilleurs de nuit. Tandis que les autres, c'est la police qui va déterminer qui ils sont réellement. Aucun médicament n'a été volé dans votre centrale. Ils ont sorti les médicaments des magasins, mais grâce au travail de la police que je salue. Et les médicaments ne sont pas sortis en dehors de la clôture de la Kamibu. Des mesures peut-être de protection, de renforcer la protection de votre centrale? Effectivement, mais jusqu'à présent, je ne peux pas me prononcer exactement comment est-ce qu'on va procéder. On va d'abord évaluer quels sont les moyens qu'ils ont utilisés pour nous protéger en conséquence. C'était Sefu Sabushimi, directeur général de la centrale d'achat de médicaments du Burundi Kamibu, au micro de notre consoeur Mireille Kanyang. Et la police burundaise confirme cette information. Pierre Ngulikié précise que ces bandits sont au nombre de 6, parmi lesquels figurent deux agents uniformes policières. Une bande de malfaiteurs a été démantelée à Boutelele vers 9h30 de ce dimanche dans la place communément appelée Koumabassé. Il s'agit d'un groupe de 8 personnes qui ont été appréhendés alors qu'ils s'apprêtaient à dépouiller les biens aux passagers qui traversent cette zone. Selon les informations que nous devons à la police, cette bande a été prise en possession d'un vélo et d'une somme de 25 000 francs bou. Je vous le disais dans les titres, l'église de Pentecôte de Bukey en commune Nyanzara qui est de la province Makamba est provisoirement fermée depuis ce dimanche. Jean-Claude Ndouimana, administrateur communal de Nyanzara, dit être intervenu pour éviter le pire après l'éclatement d'une insurrection en pleine messe et cela en attendant la réponse du gouverneur de Makamba qui s'est déjà saisi de cette crise entre certains chrétiens et leurs pasteurs, n'est-ce pas Jean-Pierre Misago depuis Nyanzalak? Depuis 10 heures passées de quelques minutes de ce dimanche, l'église de Pentecôte de Nyanzalak et Sizabukeye est fermée au cadenas. L'administrateur communal de Nyanzalak, accompagné de la police et des agents du service national de renseignement sur place, ont procédé à cette fermeture juste après la perturbation de la messe par un groupe de chrétiens qui étaient restés à l'extérieur et qui ont fait irruption dans l'église en chantant sur coup de sifflet en pleine messe selon des témoins sur place. Interrogé juste après cette fermeture, Jean-Claude Nouimana, administrateur communal de Nyanzalak, a déclaré avoir pris cette mesure temporaire pour empêcher que la situation ne dégénère. Et cela en attendant la mesure définitive sur une tension au sein de cette église, une mesure du gouverneur de Makamba qui s'est déjà saisi de cette question. Entre-temps, des émissaires de l'église de Pentecôte du Burundi qui avaient été dépêchés ce samedi pour tenter une solution n'ont pas été autorisés à tenir une quelconque réunion relative avant de rencontrer le gouverneur de Makamba, ce qu'ils n'ont pas fait selon l'administrateur communal de Nyanzalak. À cette église de Pentecôte de Nyanzalak, le climat est tendu depuis février de cette année entre certains pasteurs de cette église et certains de leurs chrétiens qui les accusent de transgresser les lois et règlements régissant l'église de Pentecôte du Burundi, comme cela apparaît dans diverses correspondances écrites et envoyées aux concernés par ceux qui se réclament représentants des chrétiens pentecôtistes de Nyanzalak. Jean-Pierre Misago de Nyanzalak, Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Page politique à présent, le partage du pouvoir ou la mise en place d'un gouvernement de transition n'est pas une solution à la crise qui traverse le Burundi. Cela est dit par le vice-président du parti Sahwanya Frodebu, Léon Singendakumana, a indiqué que de pareils gouvernements ont déjà existé au Burundi, mais ils n'ont pas répondu aux préoccupations des Burundais. Pour lui, il serait nécessaire de respecter les accords d'Arusha et la Constitution. Cette déclaration du parti Sahwanya Frodebu fait suite aux propos du président de la Commission de l'Union africaine qui a donné certaines voies de sortie à la crise qui traverse le Burundi. Je vous prie de suivre Léonce Ngendakumana. La question n'est pas basée sur un gouvernement d'union nationale, un gouvernement de transition. J'en ai entendu parler de ça de la part des pays de la sous-région, de l'East African Community, que ça serait une solution à la sortie de la crise que traverse le Burundi actuellement. Mais c'est une très mauvaise appréciation parce que la crise que nous traversons, c'est la négation de l'accord d'Arusha et partant de la Constitution qui en est ici. La solution devra être une renégociation pour réaffirmer que l'accord d'Arusha et la Constitution sont les piliers de la paix et de la démocratie dans ce pays, les fondements de l'unité, de la cohésion et de la solidarité du peuple burundais, c'est-à-dire bâtir un Burundi digne, qui a une image positive dans le concert des nations. Comme on parle beaucoup de la question des élections dans ce pays, il faudra alors qu'on se mette d'accord sur la création d'un environnement favorable à la préparation et à l'organisation de ces élections, sinon le partage du pouvoir. Si c'était cela la solution, en 1988, dans le cadre de ce que l'ex-président de la République du Burundi, Pierre Buyoya, a appelé gouvernement d'unité, et qui ressemble paradoxalement à celui qu'on est en train de proposer, il avait mis en place un gouvernement de 50% Hutu, 50% Tutsi, avec un premier ministre Hutu pour la toute première fois dans l'histoire du Burundi. Si cela avait été une solution, on aurait à cette époque-là réglé la question du Burundi. Mais comme on n'a pas réglé effectivement la question qui se posait, voilà, les problèmes ont continué. Même aujourd'hui, ceux qui disent comme ça, c'est ceux-là qui ont peur de dire que les élections de 2015 ne l'ont pas été sur base de la Constitution et de l'accord d'Arusha. Et alors, ils veulent préconiser des demi-mesures et des demi-solutions. Ça, nous allons dénoncer ça au niveau du parti Sahwanya Frodebu pour qu'on puisse axer les négociations, le dialogue, comme on le dit, sur les véritables questions. L'accord d'Arusha et la Constitution d'un côté, la démocratie et les élections d'un autre côté. Léon Sengenda Koumana, vice-président du parti Sawanya Frodewe. Au niveau de la présidence, ambassadeur Willy Nyamito, en charge de la communication à la présidence, trouve que le président de la Commission de l'Union africaine n'a pas donné des pistes de sortie à la crise qui traverse le Burundi, mais il a émis des hypothèses pour Willy Nyamito. L'Union africaine ou une autre organisation ne pourra pas élaguer le choix du peuple et ajoute que le gouvernement burundais reste engagé dans un dialogue inclusif. Je prie de suivre Willy Nyamito. Il n'a jamais proposé de piste de solution. Il n'a fait que mettre des hypothèses. Et il a dit qu'il faut à tout prix que des solutions adaptées au pays soient trouvées. Alors, pour le cas du Burundi, l'Union africaine n'a jamais et ne pourra jamais élaguer ou effacer le choix du peuple. C'est le peuple qui est souverain. Si vous suivez bien ses propos, lui-même dit qu'il ne faut jamais s'ingérer dans les affaires intérieures des États, qu'il faut respecter la souveraineté des peuples. Et ainsi, le peuple burundais qui a choisi ses dirigeants, il ne peut voir personne, aucune organisation, qu'elle soit de l'Union africaine, des Nations unies, venir dire « voilà, c'est nous qui décidons à la place du peuple ». Donc c'est le peuple qui décide et c'est le peuple qui, dans sa souveraineté, élit ses dirigeants et les renouvelle tous les 5 ans. Il parle d'un dialogue inclusif. Le gouvernement du Burundi a toujours mis en avant le dialogue. Le dialogue inclusif, le dialogue qui regroupe toutes les composantes de la nation burundaise, c'est ça qui a toujours été le modus operandi du gouvernement. Alors, le gouvernement du Burundi n'a jamais mis de côté le dialogue. Vous savez que toutes les stratégies qui ont été adoptées l'ont été du fait d'un dialogue inclusif entre diverses composantes de la nation burundaise. Alors, si on parle de dialogue inclusif, comprenez que c'est ça que le Burundi, le gouvernement du Burundi a toujours mis en avant et c'est ça aussi que le Burundi continuera à soutenir. Lors de ces dialogues inclusifs, ces hypothèses peuvent être engagées pour asseoir une paix durable au Burundi. Le Burundi est en paix, mais œuvre pour que la paix soit durable. Il n'y a personne qui peut venir imposer une autre marche qui n'est que celle de renforcement de la paix au Burundi. Le gouvernement du Burundi est toujours engagé à soutenir toute initiative qui peut renforcer la paix au Burundi. C'était Willy Nyamitwe, conseiller principal en charge de la communication à la présidence du Burundi. Dans la suite de ce journal, le secrétaire permanent et porte-parole du ministère de l'Intérieur chargé de la formation patriotique veut que le dialogue inter-burundais d'Arusha en Tanzanie soit rapatrié au Burundi. Terence Nahiraja l'a dit au cours de l'émission Mosaïque de la Radio Sanganiro. Il explique que les questions qui hantent le pays ont été collectées par la Commission nationale des dialogues internes. Nahiraja trouve cependant que ces questions ne nécessitaient pas une facilitation étrangère. Suivez Terence Nahiraja. Non, au niveau du gouvernement, je vous dis que le gros du travail était déjà fait par les Burundais eux-mêmes, n'est-ce pas? Faustin a déjà parlé de certains éléments clés des questions qui hantent la population. Moi aussi, je voudrais les rappeler en paix. Au niveau du dialogue inter Burundi, on a tout dit. C'est ce qui est sur l'agenda du facilitateur. Il n'y a donc rien de nouveau qui va nous apporter par rapport au rapport qui a été déjà produit par la CNDI qui a écouté la majorité des Burundais qui sont au pays, même des politiciens qui sont ici. Ils ont parlé de l'amendement du cadre légal, ils en ont parlé. Ils ont parlé des questions socio-économiques, ils en ont parlé. Ils ont parlé des questions des droits de l'homme, ils en ont parlé. Ils ont parlé des questions relatives, je dirais, au patriotisme. Ils en ont parlé et beaucoup d'autres. Donc, tout est là, mais seulement. Il y a certains politiciens qui ont d'autres objectifs, je ne sais pas. Mais ce qui est à l'agenda à Arusha a été même réclamé par le peuple burundais dans le rapport qui est déjà là. C'est pourquoi, en fait, à mon avis, comme l'a dit Léonce, même en une ou deux journées, ça peut se terminer. Même s'il venait ici et rassemblait tout le monde, il n'y aurait pas de problème. C'est pourquoi nous invitons la facilitation à accélérer comme il l'a promis et à pouvoir faire le rapidement possible et venir compléter le rapport de la CNDI pour qu'en fin de compte, nous puissions cheminer vers les élections. Et il y a Léonce qui dit que pourquoi les élections? Il dit c'est pourquoi quand il n'y a pas élection, c'est la crise politique maintenant. C'est ce qu'ils avaient voulu faire en 2015. Si vous minimisez les élections dans un pays démocratique, il a parlé d'un état de droit. On sait quand il n'y a pas d'élection, on ne peut pas se passer des élections, c'est-à-dire quel que soit l'avancement du dialogue, on doit se préparer nécessairement à ces élections. Et le président de l'ONG locale, Parsem, n'est pas du même avis que cette autorité du ministère de l'Intérieur. Faustin Dikoumana explique que le dialogue hors de nos frontières est très nécessaire et donne la nuance entre le dialogue interne et le dialogue externe. Lui aussi s'est exprimé au cours de l'émission Mosaïque. L'étape à laquelle on se trouve d'avoir déjà identifié les questions qui doivent faire objet de débats, nous nous soutenons parce que nous constatons justement que ce sont ces questions qui constituent le marabout. La société civile, nous avons la voix, nous publions, nous allons participer, peut-être ça, on nous invite là aussi. Nous sommes parmi les leaders d'opinion qui peuvent s'exprimer sur des questions et des fois éclairer l'opinion. Et puis, les histoires de participation, de dire ici, putschiste, le détour, le part, ça ne nous intéresse pas. Parce que ça sont des questions secondaires. Il y a des hommes ici qui peuvent participer dans ces négociations, dans l'opposition et au pouvoir, et aboutir à un accord. Vous souhaitez absolument que ce dialogue extérieur puisse aboutir à un accord. Aboutir immédiatement, donc rapidement, pour que le reste des débats soit débattu ici au Burundi, parce que nous considérons que l'Arusha, c'est pour avoir une cohésion autour de ces questions essentielles entre acteurs politiques. C'est ça même, c'est cela que nous appelons nous la différence entre le dialogue CNDI et le dialogue entre acteurs politiques. Et c'est possible, c'est l'eau parcelle. Voilà. Oui, c'est possible, c'est possible. Complémentaire, bien sûr. C'est possible. Je dois dire que l'essentiel, c'est de tenir la ligne et de convaincre nos hommes politiques que l'essentiel, c'est de retrouver la cohésion. Et surtout au gouvernement. Si le gouvernement a pu rétablir plus ou moins la sécurité à l'intérieur du pays, il faut retrouver alors cette paix de cœur, cette cohésion, parce que la sécurité et la paix diffèrent. Donc, le gouvernement a le devoir d'aller à Arusha pour justement reconstituer cette cohésion nationale que le Burundi a besoin aujourd'hui. C'était Faustin Dikoumana, président de la Parsem. Merci de refermer cette édition. Mais avant de vous quitter, je vous rappelle les principaux titres. Six bandits ont été attrapés le soir de ce samedi en flagrant délit dans la centrale d'achat des médicaments du Burundi, Kamebu. Le directeur de cette centrale précise qu'aucun médicament n'est sorti de la centrale et ajoute que parmi ces bandits figurent un sentinelle, alors que la police précise que deux parmi ces bandits sont des agents policiers. L'église de Pentecôte de Bukei en commune Nyanzara est provisoirement fermée depuis ce dimanche. Cette mesure a été prise par l'administrateur de la commune après l'éclatement de l'insurrection en pleine messe de ce dimanche. Et le parti Sawanyef Lodebu trouve que le partage du pouvoir ou un gouvernement de transition ne peut pas servir pour dénouer la crise que traverse le pays plutôt que le respect de l'accord d'Arusha et la constitution. Ces propos de Léon Singenda Kumana, vice-président de ce parti, tombent après les hypothèses qui ont été mises par le président d'une commission de l'Union africaine dans ce journal. Vous avez entendu également la réaction de la présidence du Burundi. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Aimé Toussaint Mitebouti pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Placide Niyomungere. Bonne soirée dominicale à tous. Au revoir.